Le restaurant Midas de Saint-Félicien vous annonce que son comptoir laitier est maintenant ouvert. Et pour le mois de juin, on vous offre en spécial la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement. Profitez-en pour venir essayer le Bubble Tea, servi en 8 saveurs décaféinées, auquel vous pouvez même ajouter des bulles de fusion. Venez profiter de ce rabais du mois de juin, la coupe glacée à 3$ plus taxes seulement au restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 679 0900. Toute l'équipe du restaurant Midas invite la population à participer aux activités des régates de Saint-Félicien. Pour vos fringales de juin, pensez Restaurant Midas Saint-Félicien. Pendant la belle saison, il arrive parfois des avaries comme l'infiltration d'eau à la maison ou ailleurs. Pour tous travaux de rénovation ou construction après sinistre, faites confiance à ProNet, communément appelé GUS. De vrais spécialistes dans le domaine. Plusieurs véhicules d'urgence, 24 heures sur 24. Nettoyeur d'échangeur d'air et aussi de conduite de ventilation. Pour nous rejoindre, contactez le 418-679-4178. Monsieur Régent Côté et son personnel souhaitent la meilleure des chances aux participants des régates de Saint-Félicien. La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de la pourvoirie du Lacoski. Pour une expérience en forêt à 200 km au nord du lac Saint-Jean, la pourvoirie du lac Oski vous offre une pêche réussie. Pour information sur nos différents forfaits, visitez le site internet au lac-oski.com. On va parler de pêche avec notre ami Claude Roy. Salut Claude! Hey, bonjour! Claude, c'est la Saint-Jean-Baptiste, il fait chaud, je sais pas, il fait beau à Québec aussi, j'ai pris de la météo, puis à Québec il fait beau aussi. Ben donc, écoute, nous autres, il a tombé de la pluie un peu, puis c'est okay. Gris, là, mais il reste quand même que c'est pas froid. Ok. Donc, si on se parle-tu, aujourd'hui c'est le changement de dos, donc il y a un changement de poisson, de changement de comportement chez le poisson. Oui, c'est ça, il y a un changement de comportement parce que l'eau a commencé à réchauffer. Et avec les vents qu'on a eus, c'est ce qu'on appelle le turnover des lacs, c'est-à-dire que l'eau froide qu'on avait à la surface a pris le fond du lac et la température qui était dans le fond du lac est revenue à la surface. Ça, c'est ce qu'on appelle le lac vient de tourner en rond. Et là, le poisson va changer son comportement. Là, il va commencer à avoir des mouches. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, qui m'ont rapporté, on sait qu'il y a du maringouin, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des mouches à la surface, là. Les maringouins, on a beau dire que ça vient, ça éclot dans des marais, dans des milieux humides, mais là, on attend les vraies mouches, les vraies nymphes, ce qu'on appelle les mouches de mai. Mmh. Et c'est ces mouches-là que les truites mangent en abondance. Donc, tout ce qui s'appelle fourmis, tout ce qui va s'appeler papillon, on va venir un peu plus tard dans l'été. Mais là, ce qu'on attend, c'est les mouches de mai. Okay. Et en même temps, les castors vont commencer à s'activer un peu plus avec le bouleau et le tremble. Il aime bien les jeunes pousses. Puis en même temps, ben sur ces pousses-là, il va y avoir les fameuses fourmis qui vont tourner et qui vont rester dans les alentours des ce qu'on appelle les cabanes à castors. Donc pourquoi les cabanes à castors sont bonnes, c'est que c'est les castors qui amènent les branches et sur les branches, il y a des fourmis qui restent accrochées. Et quand ces fourmis-là tombent à l'eau, ils deviennent une nourriture facile pour la truite. Donc c'est pour ça qu'on trouve tout le temps de la truite alentour des cabanes de castors. Là, comme l'eau froide est rendue un peu à la grandeur des lacs, il va quand même falloir continuer à la chercher dans le fond des baies, un peu plus chaude. C'est toujours la même chose. Quand on commence notre pêche le matin, on regarde là où pousse le vent. Donc le soir, avant de rentrer au chalet, on regarde le vent est dominant dans quel coin. Et c'est là qu'il va nous indiquer où on va commencer notre pêche le lendemain matin. Donc c'est là où pousse le vent. Quand la vague amène... Elle amène de la nourriture dans le fond des baies, et c'est là que les gens vont les trouver. Soit à la pêche à la traîne, ou encore au lancer léger. Le même truc que je vais donner, que vous le croyez, que vous le croyez pas, c'est pas grave. Ceux qui le croient vont avoir un succès de pêche additionnel. 6 à 8 pieds de monofilament derrière la cuillère. 6 à 8 pieds. Okay. Puis pas des gros chics de verre, des tout petits verres qu'on va mettre. Et on dégage l'hameçon. On fait exactement comme si on pêchait à la mouche. Une mouche, l'hameçon est dégagée. Quand on pêche au verre, on dégage l'hameçon, on met le verre tout droit, et ça représente un petit mené qui est en train de travailler. Donc, c'est les conseils de pêche pour cette chronique. OK. Ben, on s'en reparle la semaine prochaine, Claude. Merci beaucoup. Notre ami Claude Roy.